Boudin. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu en diable la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour lui pâté de maison comme un vieux livre c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce lundi 11 septembre 2023. Et oui, on reprend ce générique que vous connaissez bien depuis des années maintenant sur le 895 de Dio. En effet, l'occasion de vous présenter l'actualité encore et toujours sur Dio dans cette tranche 12-13 heures en direct quasi quotidienne. Les lundis, mardis, jeudi en rediffusion à 19h et le lendemain en matinale dès 8h. C'est repris pour cette saison 2023-2024. Des mots, des sons sensibles, toujours l'actualité politique, sociale et culturelle à vous proposer. Voilà, c'est ce premier jour de rentrée ou reprise, ou presque, en tout cas en ce qui concerne la grille sous sa forme habituelle. À voir selon aussi l'envie, les envies durant cette saison à venir de peut-être aussi alterner des programmes directs de ces mots et sons, sans doute plus et davantage en forme son d'ailleurs en soirée pour un direct à 19h. Bref, vous allez aussi découvrir tout cela au fil de la saison. Il n'en reste pas moins que donc vous avez rendez-vous quasi quotidiennement avec l'info, l'actu locale et ce programme des mots, des sons sensibles. Reprise néanmoins depuis quelques jours déjà, vous avez pu nous suivre notamment en direct il y a quelques jours, c'était le 3 septembre dernier pour un marathon radiophonique lors du week-end de la vie associative pour un direct 10-18h réalisé. Nous allons vous proposer quelques interviews réalisées dans ce cadre-là, dans les mags aussi à venir au fil de cette rentrée saison, qui aussi vont être l'occasion de rappeler quelques points d'actualité. Et puis reprise également encore en force le week-end suivant, c'est-à-dire le week-end dernier, c'est-à-dire hier avant-hier, avec le troisième salon Vert de Terre, le salon de l'agriculture paysanne et de l'alimentation qui se tenait ces 9 et 10 septembre par Joseph Sangdols, donc puis Couriou à Saint-Étienne. Troisième édition autour donc des luttes et propositions pour que chacun, chacune puisse choisir son alimentation et la façon de la produire. Une troisième édition qui était marrainée par Bénédicte Bonzi, docteur en anthropologie sociale. Un salon de l'agriculture paysanne et de l'alimentation cette année, cette édition qui a regroupé bon nombre de partenaires et d'événements tout au long de ce week-end. Radio Dio ainsi que sa radio cousine, voisine de l'Ondaine, Radio Ondaine, ont été présents en alternance samedi et dimanche pour assurer la sonorisation et captation des rencontres, conférences, débats qui ont lieu durant tout ce week-end. Là aussi, ce sera l'occasion de vous en faire retour au fil de cette saison. Eh bien, c'est ce que je vous propose de retrouver quasi à chaud aujourd'hui, et c'est le cas de le dire, de cette toute première rencontre, conférence, débat qui avait lieu ce samedi passé en matinée. Première conférence qui portait sur la question de la démocratie alimentaire avec cette proposition dont on parle beaucoup depuis quelques temps de sécurité sociale de l'alimentation. C'est une première conférence donc que je vais vous proposer de retrouver aujourd'hui dans ce mag de ce lundi avec différents invités, vous allez l'entendre, mais Mathieu Dalmet du collectif précisément sécurité sociale de l'alimentation 42, c'est-à-dire que localement on travaille depuis déjà quelques temps à la chose. Mathieu Dalmet aura l'occasion d'ici un instant de vous présenter l'ensemble des intervenants et intervenantes puisqu'il modérait et animait cette première table ronde. Voilà, ce sera le principal menu contenu de ce programme aujourd'hui avec Alors pour à nouveau cette saison, notre règle habituelle, c'est de vous proposer nos partenariats découvertes musicales, celles en lien bien sûr et en partenariat avec notre fédération nationale, la FERAROC, la Fédération Nationale des Radios Associatives Rock ou Musiques Actuelles de France, qui ne propose pas de découvertes albums et d'émissions cette semaine, l'émission Dig Dig Diggers que vous retrouvez chaque fin de semaine les vendredis, pour une raison simple. Tout d'abord, la FERAROC sort tout juste de son séminaire de rentrée qui se tenait ce week-end à Reims avec la copine là-bas locale Radio Primitive. Et puis surtout, un événement festival partenaire cette fin de semaine, ça se déroulera du côté de Orléans avec le festival Hop Pop Hop qui revient pour une 8e édition. Ce sera cette fin de semaine du 15 au 16 septembre et à cette occasion, les radios de la FERAROC se retrouveront le temps du festival pour un plateau en direct avec notamment le Vélo Studio Radio de Radio Méga, puis les participations de Radio Béton, Bob FM, des émissions qui vont se dérouler sous le format 2 fois 56 minutes par jour, avec jeudi donc et vendredi, deux plateaux par jour qu'on vous proposera de retrouver en direct, en partie si cela ne perturbe pas trop notre grille habituelle, ou en différé bien sûr sur notre antenne. Pour donc les découvertes et le Dig Dig Diggers prochain, ce sera semaine prochaine, place au festival Hop Hop Hop, 8e édition cette fin de semaine avec la FERAROC. Néanmoins, une petite proposition musicale de ce jour, en ce 11 septembre, comment ne pas parler du Chili, en effet, puisque le 11 septembre 2023, certes, est une date anniversaire, 50 ans, pour célébrer septembre 73, date malheureuse, coup d'État au Chili qui a mis fin brutalement à l'expérience socialiste du gouvernement d'unité populaire installé par le président Salvador Allende en 1970. En effet, entre septembre 70 et septembre 73, petite expérience de 3 années, le Chili a connu des élections démocratiques. Voilà, on va encore parler de démocratie durant ce programme. Bien voilà, là, c'est chose faite avec, en tout cas, là, cette histoire aussi chilienne. Élections qui ont abouti à un gouvernement de gauche, puis un coup d'État qui a instauré une dictature militaire. En effet, en septembre 73, putsch du général Pinochet qui a fait basculer le Chili dans cette dictature pour 17 années de répression des libertés. Et 50 ans après ce coup d'État, bien voilà, c'est l'occasion à la fois de le rappeler, toujours et encore, et puis rappeler surtout que le peuple chilien se reconstruit petit à petit entre travail de justice et de réconciliation. Et puis de tenter aussi de nouvelles expériences politiques, voire constitutionnelles. Alors il se passe bon nombre d'événements, on va dire, commémoratifs en termes audiovisuels. L'occasion de retrouver tout cela en cherchant là aussi à droite et gauche. Ne manquez pas de curiosité, c'est aussi tout ce qu'il va nous falloir et vous falloir pour cette saison à venir. Alors, l'occasion de cette proposition musicale en ouverture avec cet album, ou plutôt compilation expérience Vencheremos, qui était sorti pour les 30 ans, c'était le 11 septembre 2023, un album avec différentes participations. Victor Jara, Angel Parra, Pierre Arditi et Hakim Emous, du collectif Zedba ou collectif Motivé, qui avait sorti cet album. Angel Parra, très largement présent donc sur cette compilation, qui chante avec Hakim Emous là sur ce titre que je vais vous présenter et vous proposer, Presidente. Angel Parra, un chanteur chilien qui est décédé lui depuis, c'était en mars 2017, qui avait obtenu la nationalité française, qui avait été emprisonné lui à partir du 14 septembre 1973, au lendemain du coup d'état militaire qui avait donc amené à l'instauration de la dictature de Pinochet et qui avait largement soutenu Salvador Allende, communiste qu'il était. Bref, je vous propose d'écouter donc Angel Parra avec Hakim Emous pour ce titre Presidente en ouverture de ce programme, avant de parler donc de démocratie alimentaire, cette fois avec la proposition de sécurité sociale de l'alimentation qui vous sera présentée d'ici un instant. C'est environ 90 minutes d'émission spéciale qui sera parfois ce format en début de semaine le lundi, les créneaux nous le permettant. Retour donc sur la 3e édition de ce salon Vert de Terre. C'est tout le contenu menu de ce programme aujourd'hui. Tout bon chez vous, portez-vous très très bien, vous souhaitant une belle émission et une belle écoute. Yeah. C'était à Santiago, un jour de printemps, que vont se dérouler ces événements. 5 heures du matin, 11 heures GMT, une longue nuit va commencer. Longue, longue, si longue, Presidente. Longue, longue, si longue, Presidente. Allende, Presidente. Usted fue la esperanza de un mundo de justicia, sin odios ni venganza. Allende, compañero, usted que resistió, la metralla en la mano, tenía la razón. L'état du siège décrété vers midi, la peur s'abat sur tout le Chili. El pueblo desarmado no tuvo protección, cae la noche en Chile, torturas y prisión. Il est 15 heures locales dans les couloirs du Stade National. Sont au parquet des milliers de détenus politiques, certains coupables d'avoir fait de la musique. Je viens te saluer, je viens te saluer, je viens te saluer. Asignado fascista, pagado Washington. Je viens te saluer, je viens te saluer, je viens te saluer. Famille et amis attendent des nouvelles. Beaucoup seront abattus, la mort aura la part belle. Allende, Presidente, que sirva la ocasión. Denuncio aquí la infamia, la noche del terror. Jusqu'au dernier moment, devant son destin, avec quelques-uns, les armes à la main, le président annonce qu'il se maintiendra ici alors. Allende, Presidente, te vengo a saludar. La presencia está viva de la montaña al mar. Une longue nuit va commencer. Desaparece. Longue, longue, si longue, Presidente. Longue, longue, si longue, Presidente. Desaparece. Longue, longue, si longue, Presidente. Longue, longue, si longue, Presidente. Je viens vous saluer, je viens vous saluer, je viens vous saluer, je viens vous saluer, je viens vous saluer, je viens vous saluer, je t'aime libre, libre c'est faire de vérité, libre comme le rêve de la liberté, je t'aime libre, libre de faire de vérité. Comme le rêve de la liberté, je t'aime libre, libre de faire de vérité. Libre comme le rêve de la liberté, je t'aime libre, libre de faire de vérité. Libre comme le rêve de la liberté, je t'aime libre, libre. Presidente, Presidente, Amaro Boulenkou. Je t'aime libre, libre de faire de vérité. Libre comme le rêve de la liberté. Je t'aime libre, libre de faire de vérité. Libre comme le rêve de la liberté. Je t'aime libre, libre de faire de vérité. Libre comme le rêve de la liberté. Je t'aime libre, libre de faire de vérité. Libre comme le rêve de la liberté. Je t'aime libre. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette troisième édition du Salon de l'agriculture paysanne et de l'alimentation. C'est une nouveauté cette année. Hein. D'habitude, c'est un Salon de l'agriculture paysanne, mais on a ajouté alimentation. Compte tenu des enjeux qu'on a affrontés autour des questions alimentaires, avec les problèmes qui sont posés tout simplement pour toute une partie de la population de pouvoir se nourrir, et aussi parce que nous pensons que changer l'agriculture, c'est aussi c'est faire des alliances avec les gens qui sont insatisfaits de leur alimentation. On ne pourra pas changer l'agriculture si ça reste le problème unique des paysans. Donc voilà, le thème de ce salon, c'est chacun et chacune doit pouvoir choisir son alimentation et la façon de la produire. Donc la démocratie dans l'alimentation. Ce qui est un projet politique qui reste à construire et qui reste à imposer au complexe agro-industriel. Et cette année, bon, il y a plein de nouveautés. C'est sur 2 jours, le salon, alors que les autres années, c'était sur 1 jour. il y a une extension beaucoup plus importante, beaucoup plus d'exposants, beaucoup plus de paysans sur le marché paysan. Il y a un espace cinéma qui va avoir lieu. Il y a beaucoup plus de conférences-débats, puisque c'est, sur les deux jours, il y a 6 conférences-débats. Il y a des ateliers qui vont se tenir dans l'espace librairie. Donc, vraiment beaucoup de nouveautés. Mais aussi, une nouveauté cette année, c'est que nous avons invité cette année au salon des représentants de syndicats de salariés. Et pour nous, c'est très important. C'est très important parce qu'on pense qu'on ne peut pas parler d'une modification du modèle agro-industriel et du modèle d'alimentation sans en parler et sans en discuter avec les salariés qui sont concernés et qui travaillent dans l'agro-industrie. Sinon, il y a un problème qui est de passer à côté des conditions de travail qui sont à modifier et qui seront à modifier pour ces salariés-là, et il faut en discuter avec eux. Donc on a invité tout un tas de représentants de salariés qui travaillent dans la transformation des produits bruts de l'agriculture. Voilà. Et ben, bon salon, et puis au plaisir de se croiser. Donc, bonjour à toutes et à tous. Mathieu, donc, c'est moi qui vais animer cette table ronde. Je fais partie du groupe Sécurité sociale de l'alimentation sur Saint-Étienne. Un sujet dont on a déjà parlé au Salon Vert de Terre sur les années précédentes. Donc, on va pas. Voilà, l'objectif de cette table, c'est pas de rentrer forcément dans le détail. S'il y a des questions après, par la suite, on pourra échanger. Il y a des stands aussi sur lesquels vous pourrez aller creuser et avancer. L'idée, c'est plutôt de poser ce sujet en discussion. Avec des partenaires, comme Georges l'a introduit, très heureux d'avoir toutes les personnes ici présentes pour pouvoir discuter de tout ça. Donc, on va avoir Bénédicte, qui est la marraine de ce salon. Bénédicte Bonzi, qui a écrit une thèse, puis un livre sur son travail au sein des Restos du Cœur et de l'aide alimentaire. Elle en parlera notamment demain. Et là, elle pourra intervenir sur cette notion qu'elle a construite de violences alimentaires et comment elle est arriver à défendre le droit à l'alimentation. Michel Barou, de la Conf de la Loire, qui nous présentera l'état des lieux de la précarité sur les questions agricoles. Et puis, en quoi les lois actuelles et le travail dans la sécurité sur l'alimentation envisagent de permettre d'améliorer tout ça. Et donc, 4 autres intervenants qui seront présents pour, je me méfie de l'enceinte, pour pouvoir discuter de eux, comment, de leur point de vue, ils répondent aujourd'hui aux questions de précarité agricole, de précarité alimentaire, de précarité de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, et comment ils voient ce travail sur la sécurité sociale de l'alimentation. Violaine, du Secours catholique, Xavier, de la CFDT, Jean, de Solidaire, et Cédric, de la CGT. J'en dis pas beaucoup plus. Je reprendrai la parole par la suite si il y a besoin de préciser un peu des choses. Je présenterai rapidement le socle commun de sécurité sociale de l'alimentation après vos deux interventions pour poser un petit peu ce projet qui vise à penser des bonnes conditions de travail pour l'ensemble de la production agricole alimentaire et un accès de toutes et tous à une alimentation de qualité. Et ça passe par lutter contre cette variable d'ajustement qu'est l'alimentation, à part le fait qu'on va toujours de moins en moins dépenser dans l'alimentation, et donc aller chercher une partie de la valeur ajoutée produite pour la cibler pour l'alimentation et pour empêcher qu'on vienne diminuer constamment cette part de notre budget, parce que derrière, c'est le salaire des travailleurs de toute la filière, c'est les paysans qui sont en situation de précarité, mais c'est aussi l'agro-industrie, c'est en moyenne 25% de rémunération en moins que tout le reste de l'industrie à poste équivalent. C'est toute la chaîne qui est touchée par la façon dont on cherche à diminuer le coût de l'alimentation, à baisser le coût de renouvellement de la force de travail via une constriction des coûts alimentaires et comment l'idée de sécurité sociale de l'alimentation propose de prendre ça à l'envers, de dire on bloque une somme d'argent d'abord pour pouvoir se nourrir correctement et rémunérer correctement celles et ceux qui nous nourrissent et travailler ça en assurant le droit à l'alimentation. Bénédicte, si ça te va, c'est à toi. Alors bonjour à toutes et tous. Alors avant de commencer, je tiens vraiment à remercier tous les organisateurs de, voilà, du salon. Je suis très fière, honorée d'être marraine de cet événement. Tout à l'heure, j'ai été interviewée, on m'a demandé, et j'ai trouvé la question, finalement, j'y avais pas réfléchi, et c'était simple d'y répondre. Bah, qu'est-ce que ça fait d'être dans cet événement et qu'ils prennent de l'ampleur? Bah, ça fait du bien de voir la démocratie entrer dans l'alimentation. Et je pense que c'est autour de ça qu'on va discuter. Et cette table ronde l'illustre bien. Penser à la nourriture, à sa production, à tout ce qui en court en fait autour de la nourriture et tout ce qui dysfonctionne, ce n'est pas simple. Et souvent, on l'a un petit peu fait de manière morcelée, en prenant chacun une petite part. On a défendu beaucoup l'agriculture paysanne et une grosse résistance s'est construite en France. Et on peut en être très fiers sur ces questions-là. Moi, je vais vous parler du travail que j'ai fait en plongeant dans les Restos du Cœur et en devenant bénévole avec eux. Parce que là, je ne m'y attendais pas forcément. Hein, le travail de l'anthropologue, il nécessite de partir un peu comme si on était une page blanche pour s'imprégner, faire l'éponge de ce qu'on allait découvrir. Et j'ai découvert là aussi, d'un autre côté, d'un l'autre bout de la chaîne alimentaire, cette chaîne qu'on doit briser pour restaurer un système. J'ai découvert énormément de résistants aussi. Et c'est bien parce que j'ai découvert toute cette résistance au fait que des personnes ne puissent pas se nourrir en France alors que la nourriture circule en abondance, que j'ai eu besoin de caractériser deux mots, un concept fort, deux mots qui habituellement ne sont pas utilisés ensemble, les violences alimentaires. De quoi on parle quand on parle de violences alimentaires? Ben, on parle du fait que, normalement, la France a ratifié des traités internationaux, dont la Convention internationale des droits de l'homme, et elle devrait appliquer le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation, ce n'est pas le droit d'être nourri, ce n'est pas simplement remplir un estomac, c'est l'accès à l'alimentation de manière digne, et c'est aussi le respect d'une production et d'une agriculture durable. Je fais un peu court, mais c'est pour donner les grandes idées, comment c'est travaillé. Il y a tout le travail qui est fait, qui est porté au niveau international sur la souveraineté alimentaire, ce travail qui est porté par la Via Campesina. Et c'est important, de, encore une fois, d'associer tout ce qu'on est en train de vivre aux résistances et aux luttes qui sont là depuis de très nombreuses années. Moi, j'arrive sur le terrain des Restos du Cœur, je vois toutes ces personnes agir à un rythme incroyable. Ça va très vite. En gros, on a la tête dans le guidon en permanence. Beaucoup de demandes, il faut répondre rapidement. Et les bénévoles, et ça c'est très important dans ce qu'on entend aujourd'hui au niveau de l'actualité, les bénévoles, ils s'engagent pour dire oui. Donc ils répondent. Ils répondent, ils bricolent énormément de choses dans les différentes structures. Il y a d'autres structures qui pourront en témoigner. Et aujourd'hui, quand on entend le président des Restos du Cœur tirer la sonnette d'alarme, bah, il est en train de dire que les bénévoles vont devoir dire non. Et ça, finalement, qu'est-ce que ça vient nous dire de l'échec du système alimentaire? Beaucoup de choses. Ça vient nous montrer, en fait, que l'aide alimentaire fait partie du système alimentaire. C'est une aide qui, du coup, dépend d'une structure beaucoup plus grande et on n'aura pas du tout donné les moyens d'agir. Parce que si le président des Restos a eu besoin de faire cette demande, il l'a bien dit dans son introduction, on n'a pas été entendu. C'est-à-dire que ça fait des années que les bénévoles disent que ça va pas tenir et que ça tient pas. Et moi, j'ai assisté à ça et j'ai fini mon terrain avant la crise sanitaire. Et je sais que les choses sont devenues en fait exponentielles au moment de la crise sanitaire. Pour certains centres, c'était plus 25%. Comment on absorbe tout ça alors qu'on a moins? Surtout que quand on parle de ce système structurel, je vais vous donner un petit exemple qui est très fort en matière d'illustration des violences alimentaires, c'est la mise en œuvre de la loi Garot, la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je parle de ça parce que pour moi, c'est important de mettre les choses en cohérence. Quand cette loi s'est mise en place, ça a retiré des produits, des stocks, des centres de distribution. L'État, en fait, a réfléchi, et au début, sur peut-être une bonne volonté, je ne sais pas, mais in fine, les grandes surfaces, les supermarchés ont mis leur nez là-dedans et sont venus dire « mais c'est super, donc nous on va être défiscalisés pour les produits qu'on donne ». Donc un don défiscalisé, un retour à l'avance, ce n'est plus un don, c'est un marché qu'on est en train de mettre en place, un marché immoral de la faim. Et ça va être super pour nous. Et en plus, on ne va plus faire tout ce travail de tri. C'est les associations qui vont devoir le faire. Et puis les associations, on va les obliger à avoir des camions frigorifiques, etc. Et on leur a donné des moyens supplémentaires ? Aucun. Auparavant, il y avait des ramasses. Les ramasses se passaient plus en bonne intelligence et les produits que les structures récupéraient n'étaient pas tout à fait à bout de course. Il y avait un petit peu plus de délai, un petit peu plus de jours. Mais là, on autorise les supermarchés à vendre jusqu'au bout. Donc, ce qui arrive dans les Rolls de l'aide alimentaire, c'est vraiment les choses qu'ils n'ont pas pu vendre. Et qu'est-ce que ça vient renvoyer comme message pour celui qui le reçoit à la fin ? Eh bien, ça vient lui renvoyer que vraiment, tu parlais de variable d'ajustement, que vraiment il est devenu la variable d'ajustement d'un système qui surproduit. Qu'est-ce que ça vient nous dire au niveau du don ? Ben, ça vient nous dire que la contrepartie, l'État l'a faite, il a défiscalisé. Je parle d'un marché, mais comme ils utilisent le mot don, c'est intéressant de voir la contrepartie qui a été mise en face. Et du coup, la personne qui reçoit, ben, elle subit une violence extrême parce qu'elle est complètement retirée de la carte. On considère en fait qu'elle ne vaut plus rien, elle ne peut même plus rendre à la société. Et dans le don, il y a cette force de parce que je peux rendre quelque chose à quelqu'un d'autre peut-être, mais j'entre dans la société et je fais société. Donc c'est extrêmement important de voir comment la violence en fait agit à différents niveaux, notamment à travers des lois, la structuration, une gouvernance par l'externalité des structures de l'aide alimentaire. Et la violence qui s'abat du coup à ce titre-là sur les bénévoles, le fait de leur dire bah, « c'est à vous de dire non », elle va aussi dans le fait de dire bah, « ça va être à vous de jeter ». C'était moi au début de mon terrain et pendant mon terrain, c'était un tabou. Il fallait absolument pas dire que les produits qui étaient reçus étaient pas du tout, pas du tout distribuables et que donc il allait falloir les jeter. Parce que les bénévoles se disaient « si on dit qu'on jette, on va plus nous donner ». Et peut-être qu'ils avaient même raison d'avoir ce questionnement-là. Y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. Donc moi, le travail que je fais, il consiste à décrire pour éviter les raccourcis et essayer de bien comprendre ce qui se passe, les tenants et les aboutissants. Et il me permet de mettre en visibilité les responsables. Alors on pourrait nommer, bien sûr, un responsable très abstrait, le système capitaliste, qui fait que la nourriture, elle rapporte beaucoup d'argent. Et c'est important de le dire ici parce que finalement, on se rend compte qu'on est en train de faire des choses incroyables pour distribuer des miettes, mais la grosse partie du gâteau, elle est largement consommée et même confisquée en haut de la chaîne. Donc du coup, je pense que c'est le concept de violence alimentaire, il vient parler de ce que ça fait aux personnes d'être dans un pays où le droit à l'alimentation devrait être consacré et où, en fait, ils n'y ont pas accès à cette nourriture. Et ça a un impact sur ces personnes. Et ça, on en parle peu. Ça a un impact irréversible de deux façons. Ça a un impact physique. Quand on ne peut pas choisir de bien se nourrir et qu'on subit, en fait, en ayant peur de ne pas manger demain, on va beaucoup, on va consommer, en fait, les produits qu'on nous donne. On va peu gaspiller. Donc, il va y avoir un impact, peut-être, de l'obésité, de l'hypertension artérielle, beaucoup d'anémie. Ce n'est pas une alimentation qui met en bonne santé. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont recours à cette alimentation. Et ça aussi, c'est choquant, en fait, d'avoir tous les rapports qui nous le disent et de continuer dans cette voie-là. Et puis ensuite, l'impact d'avoir recours à l'aide alimentaire sur les personnes, c'est un impact psychologique. Et pour moi, ce n'était pas évident au départ de caractériser ces violences-là. J'ai essayé pas mal de cadres conceptuels. Et celui qui m'a permis de rentrer dans le plus de critères, c'est le cadre qui est donné par Marie-Hélène Irigoyen dans les violences faites aux femmes. Pourquoi je prends le temps de vous faire ce parallèle-là ? Parce qu'en fait, le point commun, c'est qu'on est sur des petits actes sournois, mais constants. L'aide alimentaire devait être quelque chose pour répondre à une urgence. c'est pas grave si et c'est pas grave et c'est peut-être même bien et souhaitable d'avoir un acte de solidarité et à un moment on a besoin de ça et on va manger des pâtes, mais c'est pas dans la durée. Mais si ça devient la façon de se nourrir de milliers de personnes, là ça devient un problème. Si pour se nourrir je dois à chaque fois décliner toute mon identité, ma détresse, mes comptes en banque, ça devient un problème. Si à chaque fois que je franchis la porte, je dois être contrôlée, accompagnée pour choisir les produits sous couvert de bonne répartition, équilibre alimentaire, ça devient un problème. Si je subis des humiliations parce qu'on m'impose une contrepartie qui est le cours de cuisine que je n'ai pas choisi parce qu'il ne me convient pas, ça devient un problème. Et en fait, tous ces actes, mis bout à bout, eh bien, ils font que les personnes perdent de la dignité, et c'est indépendamment de toute la bonne volonté des bénévoles, c'est lié au système qui ne permet pas ce que doit permettre le droit à l'alimentation et que devrait garantir le droit à l'alimentation et ce à quoi on propose de s'atteler avec beaucoup de rigueur dans le projet politique qu'est la sécurité sociale de l'alimentation. En une minute, 30 secondes, attendez, il y en a encore un petit peu. Le droit à l'alimentation. Alors, je l'ai vite parcouru. Tu veux que je revienne plus dessus. Donc, le droit à l'alimentation, c'est le droit d'avoir accès à une nourriture choisie en quantité suffisante, avec une qualité aussi nutritive, qui respecte la culture des personnes. Donc voilà, qu'on n'ait pas à se dire « moi je mange ci ou je mange ça ». On a accès et c'est à la discrétion de chacun de manger selon sa culture. Et puis qui respecte aussi l'environnement et compromet pas les générations futures. Donc c'est ce droit-là, en fait, il y a un travail très fort qui a été fait par Jean Ziegler au début, le rapporteur, un des premiers rapporteurs du droit à l'alimentation. Puis on a eu Olivier de Schutter et là, j'ai oublié le nom de la personne qui a pris le relais. Si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à le dire, sinon on ira chercher sur nos smartphones. Oui, ça vient de changer. Donc voilà, et on a ce travail de fond qui est fait et qui est intéressant et qui est inspirant. Et qui nous permet en fait deux choses. De constater que sur ce droit, qui n'est pas un droit opposable, la France, elle est considérée comme élève moyen et elle s'en satisfait. Elle s'en satisfait parce qu'en fait, elle préfère ne pas avoir de sanctions liées au fait de bien respecter les accords de libre-échange et tout le modèle capitaliste que de respecter les droits humains. Mais c'est un choix et un choix de société. Du coup, il faut qu'on en soit conscient. C'est bon, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. À l'autre bout de la chaîne, qui n'est pas une chaîne, mais un système agricole et alimentaire, Michel. Bonjour à tous. Michel Barou. Alors moi, j'habite à Chalmazel et je suis installé sur une ferme en élevage avec ma conjointe et on est associés. Voilà, je l'ai dit déjà. Et les présente à la ferme des animaux au bout à droite. Je suis installé depuis une trentaine d'années, ce qui me permet d'avoir un peu de recul au travers de ma carrière sur le changement climatique qui, j'y reviendrai, mais est probablement la problématique la plus importante à gérer dans l'agriculture. La conf a un stand au salon Vert de Terre. C'est le stand qui a le toit jaune qui est à droite. Donc actuellement il y a Blandine, Stéphanie et Nicolas qui est le porte-parole officiel de la conf. Et on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vais faire un petit descriptif de l'agriculture d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'on est de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, on est en France moins de 400 000 actifs agricoles. Et alors, c'est un petit jeu de ma part, vu que on va pouvoir parler beaucoup de sécurité sociale de l'alimentation, mais aujourd'hui, on est moins nombreux que les médecins en France. Donc, c'était important que je puisse le dire. Oui. Donc, pour revenir au contexte actuel, donc moi je suis éleveur, donc là c'est plus facile d'en parler. Donc on va dire éleveur bovin, en vache laitière avec un modèle qui est relativement sobre. On est dans une dynamique, enfin c'est pas une dynamique, c'est le contraire en fait. Il y a une forte décapitalisation du troupeau français. J'ai les chiffres pour ce qui concerne le département de la Loire. En 5 ans, on a perdu pratiquement 30% du cheptel bovin, tout compris allaitant et laitier. Et ça, je pense que c'est pas vraiment le marché qui en est la cause. C'est vraiment le changement climatique qui fait qu'on n'est plus en mesure d'être autonome au niveau fourrager sur nos fermes. Donc, pardon. Je me permets, décapitalisation en termes agricoles, ça veut dire qu'on va dans l'élevage, on va revendre des animaux pour globalement diminuer l'achat, refaire rentrer de la trésorerie, et c'est une façon de répondre aux crises conjoncturelles sur des baisses de prix, de finalement d'avoir moins d'animaux et peut-être d'enlever certaines terres qui étaient mises à l'élevage pour les mettre en culture. Et notamment en Bretagne, c'est très fort, hein, on a même une baisse aujourd'hui des abattoirs et des industries agroalimentaires qui font venir de la viande de Hollande et d'ailleurs parce qu'ils n'ont plus assez dans les élevages français parce que cette décapitalisation est très forte en ce moment. Donc je voulais peut-être revenir sur notre stand Confadéa où en fait nous on a notre défi sur nos fermes, c'est de nous adapter à la fois au changement climatique et également aux demandes, aux sollicitations des citoyens qui veulent, on parle notamment du bien-être animal, mais voilà, d'une restriction de l'usage des produits chimiques. Et du coup, au travers de formations qu'on organise, on est un outil technique qui nous permet de progresser. Chose que je tenais vraiment, vraiment à vous dire, et j'étais vraiment content de pouvoir attraper le micro pour vous le dire, c'est qu'une ferme, en fait, on peut s'épanouir dans une ferme. Et en fait, on a un mode de vie qui fait qu'on a une relation au travail, notamment, qui est différente, on va dire, que de l'ensemble des citoyens français. Le travail nous procure bien au-delà de la rémunération. Ce matin, je me suis levé tôt, je suis allé faire la traite à 1400 mètres d'altitude à côté de Pierre-sur-Haute. On a vu le lever du soleil. Bon, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce que peut nous procurer, en tout cas, le métier de paysan, en fait, la proximité à la terre, les mains dans la terre. Et aussi, je pense, par rapport à l'éco-anxiété qui nous gagne tous, et ben, notre capacité, en fait, à développer, à pouvoir, sur notre ferme, pouvoir développer des initiatives qui nous permettent finalement de nous soigner par rapport à cette solastalgie. Enfin, bon, voilà. En tout cas, la meilleure thérapie, c'est l'action, je pense. Donc voilà, je ne vous cacherai pas dans un coin de la tête le souhait de voir nos fermes à taille humaine puissent être reprises et donner envie aux gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, de toute façon, reprendre les fermes et voilà, pouvoir, concrètement, devenir gestionnaire d'espaces naturels et pouvoir avoir la main dessus et éviter que l'agrandissement fasse son travail inexorable. Voilà. Je me suis un petit peu déjà écarté du sujet, on va dire. Donc les difficultés pour l'ensemble sont liées au changement climatique. En arboriculture, on va dire que c'est peut-être la production qui est la plus impactée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont à faire face à des gelées à la fois très printanières, en toute saison, on va dire. Et en plus, on va dire, le gros gros problème d'aujourd'hui, c'est les problèmes sanitaires avec la drosophile, qui est très difficile à gérer. Voilà, il faut mettre des filets, sinon il faut passer par de la chimie lourde. Donc on va vers le contraire de ce que souhaitent les citoyens. Et du coup, quand on fait le grand écart intellectuel, c'est très dur à vivre. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la production qui, aujourd'hui, attire le moins les jeunes, parce que voilà, y a beaucoup de difficultés concrètes sur le terrain à résoudre. En maraîchage, donc là, c'est, je vais au travers du maraîchage assez rapidement parler, en tout cas en circuit court, d'un autre problème qui est arrivé il y a 2 ou 3 ans. Et là, c'est le maraîchage qui, on va dire, le plus impacté. C'est le fait que de nouveaux labels arrivent, en fait, et noient quelque part le consommateur dans le flou. J'ai envie de dire, aller vivement droit dans le sujet, le pire de tous les labels, c'est le haut de valeur environnementale. Voilà, donc on pourrait y revenir si vous voulez, mais il n'y a aucune condition, il n'y a aucun gage environnemental derrière ce label. Et après, l'autre problématique qui impacte aujourd'hui tous les produits bio, c'est le fait effectivement que la perte de pouvoir d'achat, l'inflation, voilà, ça, on va dire qu'il y a deux grosses causes à cette chute, en fait, de la production, enfin de la consommation et de la production en agriculture biologique. Voilà, je me souviens plus après ce que tu voulais dont on parle. Non, est-ce que tu veux dire un mot sur sécurité sociale de l'alimentation ou sur la perspective ? Oui, simplement dire peut-être que on a de grosses attentes de la part de l'État qui quelque part est le chef d'orchestre via la distribution des aides. Hein. J'aime bien comparer la politique agricole commune aux règles du jeu d'un grand jeu de société. Et quand les règles du jeu sont pas justes, il faut modifier les règles du jeu. Et moi, je vois beaucoup d'argent public qui est distribué à des modèles agricoles qui sont pas forcément vertueux, qui ont comment dirais-je, qui sont sur un modèle de quantité, mais avec des externalités négatives qui sont très très importantes. Et on verra qu'avec les problèmes, les problématiques d'eau, et ben voilà quoi, ça amplifie ça accentue la spirale négative. Donc je pense que une aide publique qui permette en fait de réorganiser la filière en permettant aux gens de pouvoir, c'est la moindre des choses, manger suffisamment et manger de meilleure qualité. En fait, je pense que le gouvernement a un rôle pour modifier sa répartition, en fait, des aides. Merci. Ouais, c'est bon, vas-y. Merci Michel. Et donc au croisement de ces deux interventions et puis d'autres travaux qui ont été faits par différentes organisations, va émerger le projet de sécurité sociale de l'alimentation, en disant, face à toutes ces difficultés et à l'érosion du nombre d'agriculteurs qu'on a, au reste des difficultés de l'ensemble du secteur agroalimentaire, à l'aide alimentaire qui, en fait, au lieu d'être une réponse pour la précarité, devient instrumentalisée et un instrument de tout ce complexe agro-industriel qui va remettre la main sur les politiques publiques et sur plein de choses. Quand je dis complexe agro-industriel, à mesure, c'est pas l'agro-industrie, hein, le problème, c'est la façon dont ces acteurs, plus la grande distribution, plus les banques, plus les fournisseurs de matières premières, s'organisent entre eux pour récupérer la valeur ajoutée. Et donc, l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, pour reprendre le socle commun qu'on a construit dans un collectif d'organisations qui porte cette idée-là et qui se retrouve là, ici présent, à la fin de cette petite bande dessinée, encore des patates, qui présente un peu le projet, c'est de dire, en fait, les trois piliers de la sécurité sociale telle qu'elle est instituée en 1946 et qu'elle va fonctionner jusqu'en 1967 à peu près, qui sont un contrôle démocratique par la population, une décision par les travailleurs, les travailleuses dans des caisses de sécurité sociale de l'alimentation de quel est notre système de production, comme ça a été fait pour le soin durant cette époque-là. Ça nous semble indispensable et par ce conventionnement, décider avec sortir des primes et construire des conventions collectives qui vont décider de qu'est-ce que c'est que le prix correct pour la paysannerie, pour l'ensemble des travailleurs de l'agroalimentaire et ainsi de suite, poser cette question-là dans un travail démocratique et en arbitrant le rapport de force et plus uniquement par le marché. Une universalité, hein, dire c'est tout le monde qui a accès, on ne fait pas une politique spécifique pour une partie de la population, mais on traite tout le monde et on ne sépare pas la population entre ceux qui ont besoin, qui deviennent un peu assistés et les autres pour qui tout le monde va bien. C'est une façon de s'attaquer aux violences alimentaires et de construire du droit à l'alimentation. Et un financement majoritairement par la cotisation, par dire bah, on prend une partie de la valeur ajoutée tout de suite là où elle est produite, dans notre production de richesse, et on la cible directe pour garder l'argent nécessaire pour pouvoir nous nourrir convenablement, éviter de faire en sorte que ça parte ailleurs. Voilà, c'était cette idée qui a été lancée, qui est en travail depuis 2017, et portée aujourd'hui. Et donc l'idée de cette table ronde, c'est de permettre, hein, au regard de ces enjeux, sur les questions notamment agricoles et alimentaires, mais peut-être en rajoutant aussi sur les autres maillons qui sont pas présents, très peu présents aujourd'hui dans le collectif, dans nos réflexions. Comment vous pouvez-vous, de votre point de vue, y répondre? Qu'est-ce que ça vous inspire? Enfin, comment vous y répondez déjà aujourd'hui et comment le projet de sécurité sociale de l'alimentation vous inspire? Violaine, je te laisse la parole donc pour nous dire au sein du Secours catholique déjà ce que vous faites face à toutes ces questions. Bah, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Violaine Martin, je suis chargée de mission Accédine à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Au titre un peu pompeux pour dire qu'en fait on travaille avec les personnes concernées par la précarité alimentaire pour essayer de trouver d'autres solutions sur des territoires précis. Et du coup, moi je travaille plus précisément à la délégation du Rhône, donc sur le département du Rhône. Je vais vous parler ce matin de ce qu'on travaille depuis presque 3 ans maintenant, avec des personnes en fait qui dépendent de la distribution alimentaire et qu'on rencontre en fait dans les équipes du Secours catholique, donc dans des équipes locales où ils viennent faire une demande d'aide financière parce que les ressources de la famille sont trop justes, parce que l'assistante sociale estime que c'est à cet endroit-là qu'il faut faire cette demande et tout ça. Et nous, en termes de dispositif d'accompagnement au sein du Secours, on a quelque chose qui s'appelle les chèques services, qui sont représentés par des chèques resto, qui sont justifiés par une assistante sociale. Et donc, la personne qui n'a pas de quoi se nourrir vient dans une équipe demander des chèques services et on lui dit oui ou non à travers des critères d'accompagnement, etc. Ça, c'est des bénévoles des équipes du Secours catholique qui ont des profils très différents, qui accompagnent cette dynamique. Après le Covid, dans la délégation du Rhône, le constat était de dire que ces chèques services montaient de manière exponentielle et que c'était absolument pas satisfaisant et que l'équivalent de ce qu'on donnait en fait en chèque service, c'était un budget d'un salarié. Je suis arrivée dans ce contexte-là sur un CDD, une mission précise, dans un temps précis, sur des territoires précis. Donc Vénissieux pour ceux qui connaissent, Lyon 8e, Saint-Fond, etc., avec des grosses précarités. Et donc, en fait, ce qu'on a proposé en fait aux personnes qu'on rencontrait qui venaient faire des demandes plus précisément sur la question alimentaire, c'était de dire, ok, tu demandes en fait des chèques services, mais nous, on essaie de relier des gens et en fait, on va te proposer d'être dans l'action. Alors, je rebondis sur ce que Bénédicte disait, donc à travers de l'action, en fait, donc à travers un atelier cuisine. On va parler du sujet de la précarité alimentaire et c'est en cuisinant qu'on va parler de ce sujet-là. Ce ne sera pas autour d'une table en mode format réunion et ça durera de 10h à 14h à tel endroit. Et on te propose aussi, dans cet endroit-là, de devenir chef de recette dans un premier temps, déjà pour faire groupe, peut-être venir plus facilement, etc. Donc moi j'ai rejoint des personnes, ça fait à peu près 200 personnes en fait qui sont venues sur ces endroits-là. Donc nous on appelle ça, c'est les ateliers cuisinons ensemble, et à l'intérieur de ces ateliers, on parle du sujet de la précarité alimentaire, pas comme quelque chose de philosophique, mais comme un parcours de vie, quelque chose qu'on vit ou qu'on a vécu ou qu'on n'a pas vécu de manière proche, mais dont on a une expérience en fait. Donc c'est le point de départ. Donc ça c'est une démarche d'action où régulièrement on se voit autour d'ateliers cuisinés et en fait on se pose des questions. Et quand moi je suis arrivée sur ce poste, je me suis dit ah c'est fou en fait, les gens ont déjà dépensé une énergie dans leur tête à penser des solutions qui pourraient répondre à leurs problématiques propres, mais il n'y a pas d'endroit pour en discuter. Il n'y a pas de groupe. Donc, du coup, cet atelier va commencer à servir à ça. Donc là, c'est la démarche projet. Donc ça, c'était il y a presque 2 ans et demi. Des personnes qui arrivent tout au long du projet, des personnes qui sortent tout au long du projet, parce qu'on est sur la libre adhésion. Et du coup, on peut pas en fait décider à la place des gens qui viennent ou qui viennent pas. C'est en fait un dialogue ensemble. Et du coup, sur les territoires où j'interviens, on a fait une cartographie des dynamiques en fait alimentaires, comment c'était organisé, quelles étaient les propositions à un moment donné sur tel territoire, etc. Par exemple, à Lyon 8e, ils ont un très grand marché qui s'appelle le marché des États. Et un des constats qui a été fait assez rapidement aussi, c'était de dire le marché des États nous permettait de nous nourrir avant. Il y avait des producteurs. Maintenant, il n'y a plus de producteurs. Donc en fait, la qualité des produits qu'on nous propose, ça nous satisfait pas. Donc on est allé enquêter sur le marché, on a fait un diagnostic aux marchands, etc. Enfin, on a fait plein de méthodes en fait d'enquête avec les personnes. Et puis on a fait des hypothèses et on les a validées ou invalidées. À Vénissieux, qui est un territoire qui est un désert alimentaire, qui est catégorisé comme ça, comme en termes de dynamique. Donc les personnes sont dépendantes aux aides alimentaires de manière incontournable et assez rapidement. Ils m'ont dit, Violaine, demain, on en aura toujours besoin de nos colis, en fait. Donc en fait, on va pas aller là-dessus. Par contre, nous, on a du savoir-faire. On sait faire de la transformation et ce qu'on n'a pas, c'est qu'on peut pas s'acheter en fait la matière première. On n'a pas forcément de cuisine, on a des hébergements très compliqués à l'hôtel ou dans des chambres, etc. Parce que c'est aussi la réalité en fait de nos personnes qui sont dans les aides alimentaires. C'est aussi une question de logement forte qui est derrière. Et du coup, nous, on voudrait que le Secours catholique nous propose d'être là, en fait, de nous permettre de transformer des produits de qualité qu'on va choisir, saisonniers, qu'on va pouvoir cuisiner ensemble autour d'un temps en collectif. Et puis, ça nous permettra, en fait, certains soirs d'être un peu plus relax, de pas être en stress. Qu'est-ce que je vais faire à manger à mes enfants? Et surtout, en fait, d'être dans la continuité de mon parcours culturel aussi alimentaire. Je choisis pas, sinon, en fait, ce que je donne à mes enfants. C'est quelqu'un d'autre qui choisit, c'est une association. Et ça, j'ai du mal à accepter que ça soit comme ça, en fait, en France aussi. J'arrive d'un autre pays et c'est pas comme ça que ça marche ailleurs. Pourquoi en France, ça marche comme ça? Du coup, en fait, ce que je vais essayer de vous expliquer et de montrer par toutes ces actions-là, c'est que le projet du Secours catholique, c'est de veiller à 2 choses. C'est que de la fourche à la fourchette, en fait, on est le dialogue nécessaire pour permettre ça. Et que dans la question en fait de l'écologie, du gaspillage, etc., les gens que je rencontre, c'est les meilleurs experts de ces questions-là. C'est évident qu'ils ont énormément de ressources, ils gaspillent très peu, ils vont être dans une consommation très raisonnée sur certains produits, et ils n'ont pas accès en fait à du produit brut souvent pour transformer. Et le produit brut sur lequel ils ont accès souvent, il n'est pas de très bonne qualité, donc il se conserve mal, il ne va pas être dans la durée en fait. Il va pas bien avoir du goût en fait dans la durée, donc c'est pas très satisfaisant. Donc en parallèle de ces dynamiques là, nous à Lyon, on fait partie aussi de Territoires à vivre, et du coup c'est d'autres groupes où on parle de sujets de la démocratie alimentaire. Donc c'est remettre le débat citoyen en fait sur les questions d'alimentation auprès des personnes dont on leur demande jamais en fait ce qu'ils en pensent, hein, et qui subissent en fait cette question là Ça, c'est clairement ça. Et du coup, moi, mon travail au quotidien, il est aussi de repositionner les personnes en compétences sur un savoir-faire, sur une expérience, sur leur expérience de précarité alimentaire. Rien que ça, nous, on peut pas penser à leur place, en fait. Et en fait, on pense aussi que le dialogue, il se fera pas sans eux. Sinon, on va être encore à côté de la plaque, quoi. Enfin, ça va pas fonctionner sur la durée. Ça sera absolument pas satisfaisant. Et du coup, sur Lyon 8e, où le marché n'est plus satisfaisant pour les personnes du groupe, il y a un micro-maraîcher qui s'est installé après le Covid. Donc, à un endroit très précis de Lyon 8e. Ils ont observé, en fait. Le groupe a observé. Un jour, on a invité ce micro-maraîcher à venir. Et du coup, on lui a dit, enfin, le groupe, moi j'accompagne cette dynamique-là, lui a dit, nous on aimerait bien acheter des produits, mais c'est trop cher. Donc lui, il nous a dit, bah oui, moi j'aimerais bien vous vendre mes produits, mais c'est le prix. Et du coup, nous on est carrément ok sur le fait que lui, il doit vivre aussi à son tour. Et quand il nous expliquait ce qu'il gagnait, en effet, c'est pas là-dessus qu'il faut négocier, on est bien d'accord. Et du coup, le groupe a demandé au Secours catholique de développer un petit budget où on est le tiers financeur. Donc, on a dialogué. Il y a des personnes différentes dans le groupe, des personnes en très grande précarité alimentaire, donc sans ressources. Il y a des personnes qui sont au minima sociaux, donc qui estiment qu'ils ont un petit peu de ressources. Et puis, il y a des personnes qui ont une situation un peu juste, mais ça va. Et du coup, on a construit ensemble, en fait, un groupement d'achat, ou un marché, parce qu'il est virtuel, en fait. Donc, ça se passe sur un outil, Internet. Donc, on parle de la question du numérique et des personnes aussi en précarité, etc. Donc, aussi, on parle de tout ça. Et le groupe a décidé, en fait, qu'il y aurait 3 tarifications et que le Secours catholique serait la soupape d'ajustement, cette fois-ci, sur le bon prix pour le producteur. Donc, le producteur vend à toutes les personnes du secours le même prix. Et par contre, les personnes, en fonction de leur situation, mettent la somme qu'ils peuvent mettre. Donc, il y en a qui mettent 30% du prix du producteur, il y en a qui mettent 50% prix producteur, et il y en a qui payent 100%. Et là, le Secours catholique n'est pas le tiers financeur, comme vous avez bien compris. Mais du coup, ce que je veux illustrer, en fait, par cette solution sur ce territoire-là, avec les personnes du groupe, donc c'est dans un cadre construit, cadré, avec des dynamiques de territoire, c'est eux qui ont choisi ça. Donc ça fait partie en fait des prémices de la sécurité sociale alimentaire. Oui, je vais arrêter là. Ça tombe bien, c'était la fin. Oui, tu m'as chamboulé. Et du coup, ça fait partie en fait du côté universalité, prix, qualité en fait. C'est ça le dialogue avec les citoyens. Et ce qui est assez chouette en fait dans cette expérience, c'est que moi j'anime en fait les conditions du débat du groupe. Après les décisions, c'est le groupe. Donc, ça illustre aussi très bien que quand les questions de société sont mises au cœur de groupes de citoyens, il y a des choses très, très belles qui émergent. Juste pour vous finir, on a un stand au Secours catholique aussi. Il y a l'exposition des visages de la précarité alimentaire qui s'appelle l'esquisse. Si ça vous dit d'aller plus loin, je serai disponible avec l'équipe du secours de la Loire pour y répondre. Merci. Vas-y, Xavier. Pas d'enchaînement, bonjour à toutes et à tous. Xavier Valette, moi je suis salarié dans le domaine du conseil agricole, ancien conseiller municipal, et aujourd'hui je suis administrateur d'une caisse de MSA, donc la protection sociale, la sécu du régime agricole. Alors, mon intervention, elle va à la fois porter sur des points personnels et puis sur des positions également qui sont des positions de la CFDT. Si je devais résumer ma position, je dirais la démocratie alimentaire, oui, évidemment, mais pourquoi créer une sécurité sociale alimentaire? Donc moi, je fais partie, parmi les intervenants, des gens que le sujet intéresse, mais qui sont à convaincre. Donc voilà, je serai peut-être dans mes interventions parfois un peu le poil à gratter. Voilà, donc je suis à convaincre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le thème de la conférence, donc démocratie alimentaire, proposition de SSA. La démocratie alimentaire, moi je la saucissonne pas, la démocratie alimentaire, je veux dire, c'est la démocratie au sens large, et je voudrais pas qu'on ait la fausse idée, me semble-t-il, que la démocratie alimentaire n'existe pas. Il existe des lieux de débat dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, dans les départements, on peut même monter jusqu'à l'Europe, où ces sujets-là, la précarité alimentaire, l'accès à une alimentation pour tous, elle est débattue, elle est mise à l'ordre du jour. Alors moi, je fais partie de ceux qui ne se satisfont pas des décisions qui sont prises aujourd'hui eu égard à cette qualité ou cette médiocrité de l'alimentation. N'empêche qu'il y a des instances démocratiques qui existent. Et l'idée, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi une invitation à toutes et tous de se mobiliser dans les instances, qu'elles soient au niveau local ou micro-local, au niveau départemental, parce que la démocratie, c'est nous toutes et nous tous. C'est bien beau de dire « ça ne convient pas », mais qu'est-ce qu'on fait pour s'impliquer, pour pouvoir prendre sa place, aller débattre et aller faire changer les positions? Moi, quand j'ai été élu dans une commune en tant que minorité, ma position, notre travail, c'était de faire en sorte de convaincre, mais on n'y arrive pas tout le temps, mais il faut s'y investir. Donc voilà, la démocratie, pour moi, il y a une notion de combat. C'est sûr que quand on est un peu tout seul dans son coin, avec uniquement des gens qui pensent comme soi, ça va bien. Je veux dire, on arrive à se mettre d'accord, on n'est pas très très nombreux. Et c'est quelque chose que je vois avec beaucoup d'intérêt, les différentes initiatives, que ce soit le projet de SSA ou ce que vous décrivez, le secours catholique, ce que vous avez présenté. Mais on est souvent sur des marchés de niche, sur des micro-territoires. Et jusqu'à présent, on n'a pas réussi à décliner de manière large, avec une couverture de population au territoire vaste, quelque chose qui ressemble à ces solutions qui marchent au niveau local. Donc comment est-ce qu'on arrive à passer du niveau local au niveau macro? J'ai pas vu d'éléments encore probants sur le sujet. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est de dire il faut effectivement que les uns et les autres s'investissent, parce que ça va pas se faire tout seul. Hein, voilà. J'ai fait référence rapidement à un passé d'élu municipal. Quand il y a 10 ans, on s'est bagarré dans le marché de renouvellement des cantines de ma commune. On avait demandé à ce que la part du bio soit plus élevée. On avait demandé à ce que l'approvisionnement en viande bovine soit strictement dans le département de la Loire, parce qu'il y a largement de quoi approvisionner 700 gamins en cantine dans une petite commune. C'était pas le choix de la majorité. Bah oui, mais c'est ça la démocratie. Ça veut dire que parfois, on est minoritaire, on avance nos pions, mais si on n'est pas majoritaire, et ben, c'est le jeu de la démocratie. Et moi, je fais partie de ceux qui la respectent, même si la décision qui a été prise ne me plaisait pas. Un autre exemple, en tant qu'administrateur à la Mutualité Sociale Agricole, il y a 3-4 ans, on avait un reliquat de programme sur des fonds sociaux. On a reversé des fons au Resto du Cœur de Saint-Étienne. En allant chercher des produits à la ferme au quartier. Parce que les militants CFDT qui étaient au CA de la MSA connaissaient la ferme au quartier, donc on a dit, on va passer par eux pour approvisionner les Restos du Cœur. Rassurez-vous, hein, l'année suivante, la FNSOA a repris la main, et elle a dit, c'est pas avec la ferme au quartier qu'on va le faire, c'est avec Solal, qui est une autre association qui fait de la défiscalisation et de dons alimentaires. Ça m'ennuie, c'est pas ma position, mais n'empêche que c'était une décision démocratique, en ce sens que les gens qui sont au CA, la CFDT n'est pas toute seule, ça se saurait, mais il faut entendre que toutes et tous, on a des positions à partager, et que c'est pas parce qu'on dit il faut le faire que ça se fait, parce qu'en face de nous, il y a des partenaires sociaux, il y a des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, et ça, il faut le faire avancer. Un petit mot, alors ça c'est pour être un peu poil à gratter, je suis évidemment adhérent d'une AMAP sur mon territoire. Est-ce qu'une AMAP à un fonctionnement plus démocratique qu'un conseil municipal, qu'un conseil régional? Je sais pas, sincèrement. Je sais pas. Encore une fois, je dis, quand on est sur des microstructures où ce sont des gens qui sont des proches, des amis, des collègues qui partagent les mêmes envies, évidemment, on se met d'accord et c'est facile de prendre des décisions ensemble. C'est quand on doit prendre des décisions avec lesquelles on est en désaccord que les choses commencent à se compliquer. Et à ma connaissance, la sécurité sociale met autour de la table des gens qui ne sont pas tous les jours d'accord, donc il y a une culture du compromis à trouver. Voilà ce que je voulais dire sur la partie démocratie alimentaire. Donc pour moi, effectivement, la démocratie alimentaire ne se saucissonne pas, et si on veut qu'elle corresponde plus à ce qu'on a envie qu'elle devienne, et ben c'est à vous toutes et à vous tous de vous impliquer pour le faire changer. Je passe au deuxième point sur la sécurité sociale alimentaire à proprement parler. À titre personnel et aussi pour la CFDT, je fais partie de ceux qui disent En quoi créer une nouvelle branche de la Sécu résoudrait les problèmes dont on parle de précarité alimentaire ou de violence du don ? Je reviens aussi à des propos précédents. La sécurité sociale, c'est pas que la Confédération paysanne, c'est pas que la CGT, c'est pas que la CFDT. Je veux dire, la Sécu, c'est le MEDEF. Dans l'agriculture, c'est la FNSEA. Et vous ne mettrez rien en place si vous ne discutez pas avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et l'enjeu, ça va être de les convaincre. Et moi, j'essaye de le faire tous les jours. Il y a du boulot. Mais plus on sera nombreux pour pouvoir faire avancer nos idées, mieux on se portera. Mais ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. La CFDT pense que par le biais de la branche famille, hein, il y a du travail à faire déjà, donc via les CAF, les caisses d'allocation familiale, pardon, ou via la partie famille de la MSA, et on fait déjà des choses en intervention financière pour des publics précaires. Il y a aussi la partie CEPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, qui fait différents ateliers sur la santé, la prévention. La MSA le fait également, mais la sécurité sociale fait déjà des choses pour tendre vers une meilleure alimentation. Ça n'est pas suffisant, mais en fait, ça reflète le poids des gens qui aujourd'hui sont aux mains de ces structures-là. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais si demain il y avait une SSA, une sécurité sociale alimentaire, qui c'est les patrons les plus quantitativement représentatifs dans l'agriculture ? C'est la FNSEA. Et vous n'allez pas créer une SSA entre vous ? Je veux dire, qui dit sécurité sociale dit cotisation, les cotisations des salariés, les cotisations des employeurs. Donc ça, c'est le paritarisme. Ben, il va bien falloir réussir à se mettre d'accord pour pouvoir quelque chose, enfin pour pouvoir créer quelque chose. Encore une fois, le fait de dire il y a une idée magique et personne n'y avait pensé, il suffit de la mettre en place. Ça, je fais partie de celles et ceux qui n'y croient pas beaucoup. Par ailleurs, si la SSA, ça n'était qu'attribuer un versement forfaitaire, par exemple, de 150 euros en disant ça va suffire à... Non, enfin, s'il n'y a pas un accompagnement, c'est un peu ce que vous disiez. Enfin, et puis que Mme Bonzi disait également, il faut de l'accompagnement, alors que ça soit à la cuisine, que ça soit à la gestion du temps, que ça soit à l'organisation. Mais en tous les cas, si ça n'est que de l'aspect numéraire, ça ne sera pas suffisant. Je voulais citer un exemple. On a un projet en cours avec la MSA, en travaillant avec un ESAT, donc une entreprise d'insertion de personnes handicapées sur le territoire stéphanois, et une structure très proche ou très voisine du Secours catholique, donc le Secours populaire sur Saint-Étienne, pour ne pas le citer, pour pouvoir améliorer la qualité de l'alimentation d'un public fragile. Voilà, ça veut dire qu'on peut d'ores et déjà mettre ça en place dans les organismes de sécurité sociale. Voilà. Et je vais en conclure puisque c'est le moment de m'arrêter. Donc c'est bien la preuve pour moi que l'implication de gens qui ont envie de faire changer les choses peut se traduire concrètement déjà au sein des organismes de protection sociale existantes. Je vous remercie. Merci. On laisse la parole donc à... Alors c'est Jean, je suis à Solidaire et je vais représenter plutôt ma branche aujourd'hui, que je suis à Sud Enseignement Privé. Voilà. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que Solidaire a signé l'Alliance écologiste et sociale où effectivement ils évoquent la question de la sécurité sociale alimentaire, mais le débat n'a pas, il est assez récent. On ne peut pas dire que toutes les organisations syndicales y ont réfléchi. Voilà, donc venir, on peut être favorable à dans le fond, mais c'est quand même un débat assez nouveau et d'y voir toutes les conséquences qu'il y a derrière. Moi, ce que je dirais, c'est que le débat, il y a 10 millions de personnes aujourd'hui un peu, en France qui sont en problème alimentaire, si je ne me trompe pas sur les chiffres, à peu près. Hein. Donc, ça veut dire souvent ce sont des salariés, des ouvriers, des chômeurs, des gens comme ça. Et une organisation syndicale est obligée à un moment de s'en occuper. C'est le même problème. Les organisations syndicales, au départ, ils ont d'abord vu le problème souvent salarial, la question du salaire. Mais à un moment, ils se sont aperçus que le problème de santé, c'était que ça avait une influence sur la vie quotidienne. Et à un moment, les organisations syndicales, il y a des gens qui se sont organisés en disant on allait faire des caisses, on allait, quand notre copain allait se retrouver malade, on participait à une certaine solidarité. quand ils l'ont fait, ils n'ont pas pensé au départ, nous allons créer une organisation escouade sociale de manière nationale. Mais ils ont commencé à penser une forme de solidarité, pas de la charité. Ça veut dire que chacun cotisait et chacun reversait au moment où il y avait besoin. Dans la question de la santé, à un moment, c'est la même chose qui se pose. Quand on travaille, il y a dans le repas, le temps de pause, il est important. Tout à l'heure, on parlait des questions de la nourriture, qui est la personne disait la nourriture de qualité, la nourriture qui donne la culture, mais la nourriture, c'est la convivialité. On s'est battu, en termes d'organisation syndicale, à avoir le droit du temps de pause pour manger. Donc, la solidarité, dans le syndicalisme, on se bat aussi pour un repas de qualité. Et la nourriture, c'est aussi un temps de convivialité. Alors, moi, ce que je ne rejoindrai pas tout à fait mon camarade à côté de la CFDT, c'est que je pense qu'il y a une action à faire collective et qu'on a du poids à avoir. Toute personne en France souhaite manger de manière qualité. Et ils ont le droit de pouvoir dire, ben voilà, quand je mange dans une cantine, quand je mange à mon travail, eh ben, qu'est-ce qui m'est proposé? On sait que, par exemple, pratiquement la nourriture qui est donnée dans les cantines, qui est servie dans les entreprises, ça vient de l'agroalimentaire. Ça veut dire des pesticides. Eh ben, à quel moment le salarié peut dire, eh ben moi, quelle nourriture je veux? Je veux une nourriture qui soit plutôt bio et en plus qui vienne locale. Alors pourquoi on parle aussi de la question locale? C'est que quand on est dans une organisation, on est dans une démarche de solidarité, on défend depuis longtemps le droit de travailler et vivre au pays, ça veut dire de travailler à proximité, mais on a le droit aussi de se battre pour avoir une nourriture de qualité et de proximité. Voilà. Et ça, il y a bien un moment. C'est des choix politiques qui vont se faire et ils vont se faire à travers des organisations. Alors, la sécurité sociale, effectivement, on a des partenaires, mais il ne faut pas oublier qu'on a des partenaires parce qu'il y a eu des lois qui ont changé dans la sécurité sociale. Au départ, c'était géré par les salariés. Et quand c'était géré par les salariés, on n'avait pas de problème de déficit. Les salariés savaient très bien gérer le système de sécurité sociale. C'est le jour où on a fait rentrer le patronat dans cette parité. En gros, on les a mis à égalité avec les nombres de salariés, que on a été moins remboursés, que les choses n'ont pas été réparties comme les salariés l'auraient souhaité. Et ben donc pour moi il n'y a pas du tout de problème de démocratie que demain quand on introduit une sécurité sociale alimentaire, ben ça soit les premiers usagers qui mangent qui décident avant ça et qui décident qu'est-ce qu'ils veulent. On fait bien décider à des hôpitaux, on leur dit, ben voilà ce que la sécurité sociale est prête à rembourser comme acte. Je veux dire, c'est même si elle est privée, l'hôpital, il décide pas, il peut pas décider, moi, je vais faire que des dents et ainsi de suite. À un moment, il y a des gens, on met une limite. Donc, dans le système de la sécurité sociale alimentaire, c'est, pour moi, quand même, il y a un principe, c'est que tout le monde participe à une caisse. Et cette caisse, eh bien, elle permet à chacun de pouvoir manger d'une manière équitable. Voilà, donc je trouve qu'elle s'inscrit tout à fait dans une action qui est l'action syndicale, qui est la défense du salariat, le droit de bien manger, de travailler, d'avoir un salaire correct. Et la nourriture fait partie de quelque chose de fondamental, qui est le droit, le droit de se loger, de se nourrir et d'être éduqué. Voilà. Merci. Alors bonjour à toutes et tous. Donc je suis Cédric de la CGT Saint-Étienne. Moi aussi, je suis en filière courte. Il y a deux aspects à mon avis dans ce débat-là, hein, qu'on a un petit peu effleuré mais qu'on a oublié au fur et à mesure, qui est toute la partie effectivement production, transformation, distribution dans un premier temps. Toute la finalité de tout ça, l'accès au bien manger, l'accès au bien-être, il ne doit pas conduire à un moment ou à un autre, et ça a été dit aussi par les autres intervenants, il ne doit pas conduire à une paupérisation aussi des petits producteurs ou même des producteurs un peu plus gros. Il ne doit pas conduire non plus à un moment moment ou un autre, quand on veut commercialiser un produit, il faut un magasin. Un magasin, il faut une caissière. Y compris quand on est sur un magasin de producteurs, il faut que ce producteur ou cette productrice qui vient vendre ses produits dans ce magasin-là, il s'assure aussi un revenu pour le travail qu'il est en train de faire à ce moment-là. Et pas simplement qu'il cherche à vendre, enfin, assurer son revenu uniquement par la vente de son produit. Ce travail-là, il doit être aussi rémunéré, donc pris en compte. Quand on parle de la filière distribution, sur cette partie transformation, de la même manière, il y a des salaires dans les usines. Il faut pas non plus, parce que le capital veut récupérer énormément d'argent, que ses salaires, ça a été dit, c'est les salaires les plus bas de l'industrie, toutes filières confondues. C'est aussi des processus de nettoyage des machines, c'est aussi de l'entretien des usines agroalimentaires. Et là-dessus, le capital essaye à chaque fois de gagner un petit peu de rognier, ce qui donne tous les scandales alimentaires qu'on a pu avoir par la suite. Et à chaque fois, on nous dit, oui, mais ça va changer, vous inquiétez pas, on met des mesures en place. Et pas du tout, bien entendu. On le sait bien, on peut pas faire confiance à un patron. Sur la partie sécurité sociale alimentaire, parce qu'on sait quand même un peu plus le débat, donc je vais évacuer la partie production-distribution. Je rejoins un petit peu les deux derniers intervenants, au moins en partie sur certaines choses. Cette sécurité sociale alimentaire, ce qui va poser question en définitive, c'est son financement et qu'est-ce qu'elle fait. Aujourd'hui, les propositions qui sont faites sur cette SSA, c'est un prélèvement de cotisation donc sur la valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, tel que se construit alors l'autre sécurité sociale, la grande sécurité sociale telle qu'elle est à l'origine, c'est quoi? C'est des cotisations salariales, d'accord? Donc là, ça veut dire qu'on va mettre en commun des cotisations salariales au titre de la solidarité, très bonne chose, il n'y a pas de souci, mais qu'on dédouane complètement du financement, encore une fois, les industriels et le capital, d'accord? Alors que moi je veux pas effectivement qu'on réduise le salaire du petit producteur qui est à côté de moi, il n'y a pas de problème. Par contre, je pense que effectivement, Findus, Nestlé, des choses comme ça, eux, on pourrait peut-être renier un petit peu sur leur marge pour diminuer les coûts, ce qui permettrait un autre accès à l'alimentation. Là où je rejoins les deux intervenants d'avant, c'est sur où est-ce qu'on peut récupérer ça. Effectivement, c'est aussi le travail de la CPAM, de la MSA, de faire de la prévention. Et de la prévention, c'est quand on assure une bonne santé des gens, c'est aussi une bonne alimentation. Voilà. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il y a des choses à faire. C'est peut-être chercher du côté de la CPAM, du côté de la MSA. Oui, je comprends, mais c'est compliqué parce qu'on a des partenaires sociaux en face qui sont très très durs à la négociation. Mais effectivement, de mon point de vue, ils ont rien à y faire. C'est notre argent, c'est l'argent des salariés. Le tour de passe-passe qui a fait qu'on a fait rentrer le patronat dans la gouvernance de ces administrations-là, enfin de ces organismes de services publics, Il a désapproprié les citoyens et les citoyennes de ce qui était leur outil, d'accord ? C'est concrètement si, au niveau de votre compte en banque, le banquier avait un droit de regard concret sur ce que vous pouvez retirer sur votre compte, d'accord ? Je ne dis pas qu'il ne vous fait pas payer des agios quand vous êtes à découvert, ça c'est encore autre chose, c'est une autre problématique. Mais concrètement, on vous dit, c'est votre argent et le banquier vous dit, ouais non mais ce mois-ci... Ouais, vous allez retirer 10 balles, mais ça ira pas plus loin parce que j'en ai quand même un peu besoin. C'est ça, en fait, concrètement, la gouvernance des organismes de sécurité sociale. Donc, il y a ça aussi qu'il faut rediscuter. L'accès au bien manger et au bien-être, oui, encore une fois, c'est normal, c'est une finalité. Il y a une autre, parce que, vous savez, globalement, la CGT, on n'est pas d'accord. Voilà. Alors, pour le coup, on n'est même pas d'accord entre nous. Si je prends, parce que, après, le débat, il est en germe, hein, donc c'est normal qu'on débatte. On a effectivement un des COSAC, qui est l'association de consommateurs de la CGT, parce que la CGT, c'est aussi une association de consommateurs, qui est à fond, lui, pour la SSA. Il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, on a une fédération agriculture et forêt qui, elle, n'est pas tout à fait pour. Voilà. Pour les raisons de financement, notamment, et de gouvernance que je viens de vous évoquer. Et qui se dirige, elle, plutôt sur un service public de l'alimentation, qui n'est pas tout à fait la même notion et qui a aussi ses travers. Le service public de l'alimentation, c'est quoi? C'est recréer en définitive des cuisines centrales pour travailler en circuit court et en bio sur l'alimentation, dans un premier temps des écoles, deuxième temps des EHPAD, et puis après, si possible, l'ouvrir à l'intégralité de la population. Voilà. Le travers de ça, c'est qu'on s'est aussi un petit peu sur le côté charité, et que bah, ça veut dire que trois fois par jour, on va à la cantine. Voilà. C'est pas super. Moi, je préfère manger chez moi avec mes copains, mes amis, ma famille, quoi. Voilà. Donc, il a aussi ce travers-là, ce service public de l'alimentation. Mais il n'est pas aberrant non plus. Voilà. Après, Moi, je suis très CGT. Est-ce que la solution, parce qu'on oublie, ça a été évoqué aussi au tout début, on oublie effectivement cette question de choix à un moment, d'accord ? Je dois avoir le choix de ce que je mange, d'accord ? Si je passe, alors, soit par une sécurité sociale alimentaire avec des bons alimentaires ou l'accès à certains commerces à prix réduit parce qu'ils ont fait une convention, ben, j'ai pas le choix. D'accord ? Je suis obligé d'aller dans ces commerces qui sont conventionnés. Ils sont peut-être très très bien, n'empêche que je suis obligé de passer par ces commerces conventionnés. Si à l'autre côté, je suis sur un service public de l'alimentation, bah, j'ai pas le choix, faut que j'aille manger à heure fixe à la cantine. Voilà, ça marche pas non plus. Alors après, c'est bête et méchant, la solution c'est quoi ? C'est peut-être tout simplement d'augmenter les salaires. Voilà. Et ouais, voilà. On augmente les salaires et après, ben, on redonne aux salariés, aux travailleurs et aux travailleuses la possibilité de choisir en toute conscience leur alimentation. Voilà, j'ai ouvert les débats. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va laisser un temps avec vous pour pouvoir poser, rentrer dans le débat, même si je pense qu'on aurait des choses à se dire entre nous. Thierry, tu as le micro. J'ai le micro, vous m'entendez là ? Le temps. Mais j'ai rien à dire. Le temps que des mains se lèvent pour prendre la parole, je redonne juste deux petites infos. Donc sur le côté, oui, c'est pas que des cotisations salariales. Hein, en tout cas, l'idée de la SSA, telle qu'on le pense, c'est cotisations salariales. Il y a aussi ce qu'on appelle la part patronale. Et en fait, c'est au moins pour tous les bas salaires une augmentation de salaire qu'on demande. Et une augmentation de salaire qui nous donne du pouvoir d'agir collectif, de transformer. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Il y a des territoires où l'agro-industrie a la main sur les terres. Le peuple est incapable de choisir son alimentation. Donc, donnons-nous un moyen. Et donc, voilà. Et il y avait l'idée de service public de l'alimentation quand on a lancé la sécurité sociale de l'alimentation. Et l'idée de parler de sécurité sociale, c'est-à-dire on veut s'inscrire dans cette histoire du peuple autogestionnaire qui construit les institutions pour avoir du pouvoir économiquement et construire des choses et refuser l'état social et la façon dont l'état va arbitrer le conflit social en donnant quelques miettes qui lui permettent de garder son pouvoir et son aura et de s'inscrire dans cette histoire-là de ces conquis qui ont été faits principalement en 45 mais qui viennent de 1789, de 1871 et ainsi de suite. C'est parti pour les questions. Ouais, du coup, je suis super content de la dernière intervention. C'est ce que j'avais en tête. Moi, je suis venu pareil avec des doutes sur la sécurité sociale de l'alimentation. C'est des sujets qu'on discute depuis un moment. Et en fait, ça a clarifié un peu pour moi. C'est une usine à gaz et il faut augmenter les salaires. Du coup, merci camarade. Je pense que c'est plus simple. Peut-être pour plein de raisons. Il y a un truc qui me frappe, j'ai appris autre chose aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y avait une baisse de 30% de la production enfin, en termes d'élevage. Et je pense que ça confirme un fait, qui est que ça ne va pas se passer très tranquillement et démocratiquement, tout ça. on est déjà dans des émeutes de la faim, en fait, pendant les révoltes urbaines. Il y a des gens qui sont allés piller des magasins alimentaires, pas que des magasins de fringues, en fait. Donc... voilà, c'est dans le monde entier et en France aussi. Donc peut-être que c'est par là les pistes. C'est chouette tous ces trucs de réflexion. Et pour finir, moi, c'est pas une attaque personnelle sur ceux qui bossent. Moi, quand je travaille, je suis manager dans les systèmes d'information. Donc vraiment le sommet du bullshit du management moderne. Et il faut faire très attention à tous les mots. Qu'on emploie les projets, les participatifs, les... enfin, il y a Franck Lepage qui explique très bien que le mot projet, c'est le centre du management capitaliste moderne. Il a remplacé dans les manuels de management le mot hiérarchie, projet. Et faut faire attention, et du coup, je finis sur ton intervention. C'était un très très bon décryptage, je connaissais pas ton travail, merci, c'est super intéressant. On prend deux ou trois questions, s'il y a des masses dont on réagit. Merci, là, merci beaucoup pour vos interventions, merci pour l'organisation aussi, c'est hyper riche d'avoir différents points de vue. Moi je découvre un peu la sécurité sociale de l'alimentation, mais autour de la table, il y a une personne, Michel, qui a parlé du changement climatique, qui est un enjeu vraiment très fort auquel on va être confronté dans les années à venir, et je voulais savoir en quoi le projet il prenait cet aspect-là. Voilà, les autres personnes n'en ont pas parlé. Je voulais savoir en quoi ça pouvait être une réponse face à ça. Ok, merci. Et Thierry, une dernière personne là. J'ai pas vu le Et puis après, on laissera ceux qui veulent proposer des pistes de réponse. Non, moi, le vrai problème de l'alimentation, pour moi, c'est qu'on se réapproprie nos cuisines, quoi. Et que le logement soit adapté pour cuisiner, quoi. Augmenter les salaires, si c'est pour que les gens achètent du produit déjà transformé qui coûte beaucoup plus cher, c'est un peu dommage, quoi. Donc il faut que, effectivement, les gens se remettent à cuisiner. Et comment on peut les entraîner là-dedans ? Moi, je ne sais pas. Vas-y, Jean. Alors, je vais rebondir sur la première chose. Ça veut dire que toutes les questions d'environnement ne peuvent pas être pensées en dehors d'une question économique et sociale. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple, ils n'ont pas de cuisine chez eux. Leur logement est trop petit. Donc, vous pouvez très bien leur donner de l'alimentation quand ils arrivent chez eux. De toute façon, ils peuvent pas le faire cuire. Donc, ça pose un véritable problème. Donc, c'est bien quand on pose la question... moi, c'est là où je fais la différence entre écologie et environnement. C'est que l'écologie, elle intègre ces trois données. Il y a bien une démarche environnementale, sociale et économique. Il y a des choix derrière qui doivent être impliqués. Moi, je voudrais répondre sur la question des salaires. C'est pas parce qu'on augmentera les salaires que ça résoudra tous les problèmes. Parce que demain, on peut très bien augmenter tous les salaires et supprimer la sécurité sociale en disant chacun choisit sa manière de soigner. Donc, on va favoriser des hôpitaux privés. Moi, c'est pas spécialement ce que je souhaite. Donc, je pense qu'il y a derrière aussi des choix de société de dire quel style d'hôpital on souhaite, quel style d'alimentation on veut, et ça dépend aussi d'un choix politique, de ce que veulent réclamer par exemple les salariés, dire que on souhaite avoir une alimentation qui n'abîme pas la nature, c'est important. On sait par exemple 70% actuellement des nappes phréatiques ne sont pas remplies en France. Et il y a eu entre 80, de mémoire, j'ai entendu ça récemment à la radio, 80 villes et villages en France qui manquent d'eau. Bon, ben ça, là, c'est pas parce que demain on augmentera les salaires que ça va résoudre ce problème. À un moment, il va falloir aussi avoir il y a aussi une décision politique. Donc il y a une décision à se dire, ben, comment on organise la nourriture et comment cette nourriture, elle est aussi répartie. Est-ce qu'il est normal que, par exemple, aujourd'hui, on produise plus de nourriture en France ? On manque pas de nourriture. Il y a aussi un problème de partage. Bon, ben, il y a aussi, à un moment, une action. Quand dans le travail, on se bat pour des salaires décents, on se bat aussi sur la répartition du capital, de ce qui a été produit. Voilà. Donc, c'est pareil au niveau de la nourriture. Quand il y a des fois une nourriture qui est trop produite, comment elle est répartie aussi ? Et pas gaspillée. Ouais, vite fait, je vais foutre la pagaille, parce que normalement, si j'ai bien compris le jeu, c'est les gens qui sont de ce côté qui posent les questions et ceux qui répondent. Mais en fait, moi, j'arrive avec mes questions comme Georges Marchais. Voilà. Non, il venait avec ses réponses. C'est le contraire. Voilà. En fait, pour revenir à l'intervention de Xavier Valette, donc, qui était super pertinente, et moi, j'ai une question par rapport à la notion de démocratie, parce que la représentation à la MSA, elle est liée aux élections professionnelles. Et tout à l'heure, au début, je disais qu'on était moins de 400 000 agricoles en France. Et lors des élections professionnelles, qui auront lieu en janvier 2025, les prochaines, en général, il y a 50% d'abstention, comme les élections, on va dire, nationales. Donc 400 000 divisé par 2, ça fait 200 000 actifs agricoles. Sur ces 200 000 actifs agricoles, on va dire que la moitié, 100 000, en fait, des votes vont vers deux syndicats, FNSEA-JA, qui ont fusionné pour la cause. Et c'est ces gens-là, en fait, qui remportent les élections et qui décident pour les citoyens de quelle alimentation doit procurer la France à l'ensemble des citoyens simplement dire que chaque citoyen français paye une contribution d'environ 300 euros par an pour abonder la PAC, la politique agricole, les aides PAC. Donc à ce titre-là, je pense que tous les citoyens français devraient avoir leur mot à dire dans ces choix-là. Parole. Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup pour toutes les interventions. C'est plein d'arguments. On voit que le débat est utile et nécessaire. Et c'est peut-être un moment où on commence en fait à reparler de démocratie. Pour revenir sur le terme de démocratie alimentaire, en fait, c'est un concept qu'on s'est réapproprié en France, qui a été réapproprié notamment par la chercheuse Dominique Paturel, et qui vient en fait du Royaume-Uni. Et je dirais, quand on lit les travaux de Ling qui le met en place au Royaume-Uni, on parlerait plus peut-être, si on devait le traduire, de souveraineté alimentaire. Et en fait, on parlerait plus de quelle place doit avoir le citoyen pour choisir son alimentation. Donc voilà, on est sur un concept, comment on se le réapproprie, et c'est très important qu'on soit OK sur pourquoi on utilise ce terme, comment, quel sens il prend. Et si c'est pas celui-là qui aujourd'hui fait sens, on va en trouver un qui va peut-être avoir un meilleur sens pour nous tous. Et c'est vrai que de plus en plus souvent, on a cette précaution de dire on veut mettre de la démocratie dans l'alimentation. En effet, la démocratie ne se fragmente pas et on est bien, hélas, obligé de constater qu'en France, il y a un déni de démocratie, mais sur tellement de sujets. Je voulais préciser ça. Après, c'est pas tellement des réponses ou c'est une réponse très globale, mais j'avais envie de parler d'un ouvrage qui m'a beaucoup marqué de Robert Jolin qui s'appelle « La paix blanche ». Ça parle de quoi ? Ça parle de ce qui s'est passé en Amérique du Sud et du fait que, il y a eu un massacre au niveau de ces populations. Et puis ensuite, on est parti et puis on s'est dit « ça va, c'est la paix ». Et c'est quoi la paix blanche, en fait ? C'est qu'on a imposé des conditions et une vie qui n'étaient pas la leur. C'est qu'en fait, les règles qui ont été mises en place là-bas, c'est les règles du dominant. Et on voit que ça a encore des effets extrêmement pervers aujourd'hui. Et à quoi conduit la paix blanche ? À l'ethnocide. C'est la disparition, en fait, de groupes de personnes. Et aujourd'hui, en France, il me semble qu'on fait face aussi à un ethnocide, l'ethnocide paysan, qui est très bien décrit par différents auteurs. Et en ça, le projet de sécurité sociale de l'alimentation, pour moi, je ne sais pas si c'est la réponse ultime. En tout cas, il nous permet de penser réellement quelles sont les conditions d'une vraie paix, pas la paix du dominant. Quelque chose, en fait, qui doit nous inviter à nous dire, ce système dans lequel on vit, oui, ça roule. En effet, si on augmente les salaires. Mais en fait, y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « L'État dans le mur » et qui vient analyser la défiscalisation, les coûts cachés, etc. Et je trouve que c'est ça, en fait. On peut augmenter, mais en fait, droit dans le mur, ça veut dire qu'on y est déjà dans ce mur-là. Donc, est-ce qu'on peut s'autoriser à continuer ? Peut-être que je vais faire de la provoque. Il faut les réduire, les salaires, et réfléchir autrement les choses qu'on doit partager et le service public. Évidemment, c'est de la provoque. Mais en fait, le fait de dire, c'est qu'on a beaucoup à partager et on oublie de le faire. Là, on partage des idées, c'est super. Maintenant, on a aussi à déconstruire tout ce qu'on pense. Moi, la première, c'est difficile de se remettre à socialiser les choses et à se dire, oui, en fait, ça nous ferait vivre dans un monde qu'on ne connaît pas. Mais c'est plutôt joyeux aussi quand on n'est pas heureux dans le monde qu'on connaît. Oui, alors, sur cette partie, non, l'augmentation des salaires ne résout pas tout, il n'y a pas de problème, ça ne apportera pas de l'eau là où il n'y en a pas. Après, renvoyer un petit peu tout sur le politique, je trouve ça un petit peu facile aussi. C'est pas le politique qui va décider qu'il va pleuvoir. Voilà, il aura beau passer un décret, je pense pas qu'il pleuve pour autant. Il y a 2 ans, il y avait un maire dans l'Ain qui, justement, en réaction à un de ses administrés, qui se plaignait que la commune rurale était mal déneigée, en tout cas pas aussi bien que la place Bellecour. Il avait pris un arrêté municipal interdisant la neige de tomber. Voilà. Je suis pas certain que la neige soit pas tombée cette année-là. Voilà. Donc après, oui, moi je maintiens, c'est l'augmentation des salaires, encore une fois. C'est laisser le choix aux citoyens et aux citoyennes de s'alimenter correctement. Aujourd'hui, en France, il y a 41% des Français qui sautent un repas par jour. Vous entendez bien ce que je vous dis ? 41% des Français, aujourd'hui, presque un sur deux, sautent un repas par jour parce qu'ils n'ont pas les moyens de se le financer. Je ne dis pas même du bien manger ou de n'importe quoi. Oui, effectivement, il faut qu'on se réapproprie nos cuisines. Et ça passe tout ça par un vaste programme d'éducation populaire. Ce n'est pas ici qu'on va trouver la solution. Mais néanmoins, le chiffre que je vous donne, ce n'est pas un chiffre CGT. Je l'ai pris dans le Figaro, qui n'est quand même pas un journal d'extrême gauche. D'accord ? 41% des Français ne mangent pas tous les jours trois repas. Bon. Une dernière intervention et puis après on refait un tour de questions. J'ai quand même été spoilé deux fois, je voulais tout de suite réagir sur les salaires. Alors c'est perso et puis c'est aussi CFDT. Moi je pense pas que la solution soit d'augmenter les salaires, il faut augmenter les bas salaires. Hein. Et je pense qu'il faut même plafonner et réduire tout un tas de gros salaires, donc il faut resserrer l'échelle des salaires. Voilà. Donc, et l'enjeu, c'est ce que disait mon voisin de droite, c'est la redistribution et l'arrêt de la défiscalisation. Et là-dessus, on sera probablement tous d'accord. Donc, voilà, c'est pas l'augmentation des salaires, c'est l'augmentation des bas salaires, le plafonnement des gros et la redistribution. Et je voulais quand même terminer sur une autre note par rapport à la notion, on en a pas beaucoup parlé, il faut pas parler du tout, les projets alimentaires territoriaux. Moi, je fais partie de ceux qui voient ça d'un assez bon œil. Alors, je sais pas si c'est connu ou pas, mais les projets alimentaires territoriaux, on ne devrait pas les laisser copolitique. Alors je sais bien qu'il y a un petit peu de structure qui gravite autour, mais pas suffisamment. Et pour moi, là, tout à l'heure, je disais, il faut s'investir dans sa démocratie locale. Les PAT en sont un bon moyen. Alors c'est du temps, c'est chronophage, c'est parfois les après-midi. C'est compliqué quand on bosse ou quand on est militant. Mais là aussi, enfin, c'est un combat et il faut pas le laisser aux autres. Hein. J'ai entendu ce que disait Michel Barrou sur la représentation des organisations syndicales professionnelles minoritaires. C'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Mais la loi, eh ben, c'est les députés qui la votent. Et c'est comment on vote. C'est est-ce qu'on met pression pour aller faire changer les lois. Ceux qui sont aujourd'hui ne vont pas demander à ce qu'elles changent, hein, ceux qui sont en place. Donc c'est à nous autres de nous organiser pour pouvoir les faire évoluer. Voilà. Je fais partie de ceux qui y travaillent et il y a du boulot. Voilà. Allez, un deuxième tour de questions. Mais oui, moi je suis totalement d'accord. Il faut augmenter les salaires et notamment les bas salaires. Hein, mais il faut augmenter les salaires. Je veux dire, quand le SMIC aujourd'hui est à 1 300 €, c'est pas un salaire, ça. Hein. Il faut augmenter les salaires. Il y a des gens qui, dans tout un tas de domaines, ne peuvent plus vivre avec des salaires. Ce que je voulais réagir, moi, c'est par rapport à la cotisation. Parce que un des problèmes... Tout à l'heure, je sais plus qui a parlé, il faut mettre à contribution le capital, mais un des problèmes qu'on a à résoudre, nous, c'est la question de la démocratie sur la valeur ajoutée. Parce que qui maîtrise aujourd'hui la valeur ajoutée que les salariés produisent ? Ce n'est pas les patrons qui produisent la valeur ajoutée. Hein. Ce n'est pas les capitalistes, c'est les salariés, c'est le travail vivant. Il n'y a que le travail vivant qui produit de la valeur ajoutée. Qui maîtrise la valeur ajoutée massivement aujourd'hui, mais à 98% dans la population ? C'est les grands, c'est les capitalistes. Hein. C'est eux qui disent, c'est ça que tu vas faire, c'est ça que tu vas produire dans telles conditions. À la limite, même, ils te disent où on va le produire. Et c'est eux qui décident de comment c'est vendu. C'est eux qui décident. Et moi, je pense que la sécurité sociale de la santé, telle qu'elle a fonctionné jusqu'en 67, hein, pas sur le paritarisme, hein, parce que moi, je suis contre le paritarisme, telle qu'elle a fonctionné jusqu'en 67, c'est la reprise en main dans un domaine par les salariés de la maîtrise de la valeur ajoutée qui est produite. Et c'est ça qu'il faut faire pour l'alimentation. C'est-à-dire que quand on décide de dire qu'il y a une partie de la valeur ajoutée via la cotisation qui ne passe pas par la caisse de l'État, ce n'est pas de l'étatisation, hein. Ils ont étatisé la sécurité sociale, c'est une reprise en main par les salariés de ce qu'eux, ils ont produit. Et ça, c'est le cœur de la lutte des classes. Et pour la sécurité sociale de l'alimentation, je pense que c'est très important ça, de faire ça. Et la dernière chose, moi je suis pour qu'on augmente les salaires, mais comme le disait Mathieu, si on augmente le salaire brut via la cotisation, on augmente les salaires aussi, mais il faut augmenter les salaires nets aussi. Mais attention, l'alimentation, c'est aussi une variable d'ajustement. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse à comment on sanctuarise, hein, par de la monnaie marquée, mais on peut en discuter, qu'on sanctuarise cette partie-là qui est très importante pour les questions écologiques, environnementales et sanitaires. Hein, parce que la question du changement climatique, c'est aussi des questions de pratiques agricoles. Hein. Une dernière, oui. Merci. Est-ce qu'on peut mettre dans le débat le coût social et économique de la malbouffe? Ouais, vas-y. Alors, je voulais répondre en fait sur votre question. Au Secours catholique, en fait, là, on a décidé avec les CIVAM, du coup, de faire une étude sur les coûts cachés en fait de l'alimentation. Donc, actuellement, on peut pas vous en donner les conclusions, bien sûr, mais du coup, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet en fait parce que aussi dans les questionnements que des citoyens que moi je rencontre, c'est mais pourquoi ça coûte plus cher et pourquoi en fait on est en inflation et pourquoi il y a plus ce produit là quand il y avait plus d'huile en fait et que c'est un aliment de base pour une partie de nos populations. En fait, ça interroge aussi sur la conséquence et le pourquoi. Et en fait, les citoyens, je pense qu'ils ont, enfin les personnes là, il est temps de leur expliquer aussi sur quels sont les systèmes en fait de production dans lequel, même si on veut essayer d'être le moins impacté, on est forcément impacté à un moment donné. Il existe aussi le jeu de la ficelle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Ça a été fait par un groupement, en fait, belge, qui décrit très bien à travers un outil d'éducation populaire sur comment une courgette, en fait, est impactée en France, mais aussi ailleurs, avec les systèmes de banque, avec les systèmes d'inflation, avec les systèmes de production agricole ailleurs, à l'étranger, etc. Et pourquoi, en fait, parfois, des produits qui sont produits très loin de la France sont pas si chers au supermarché et pourquoi des produits qui sont produits localement sont plus chers et du coup toutes ces questions là. Donc là on est en train d'en faire une étude qui s'appelle l'étude des coûts cachés CIVAM Secours catholique. Donc on le fait avec des personnes qui vivent la précarité alimentaire, avec des personnes CIVAM, donc le côté agricole. Et on met en parallèle en fait toutes ces questions-là qu'on entend depuis plusieurs années et dans nos groupes et dans le monde paysan. Je pense qu'aussi il y a quelque chose sur lequel la sécurité sociale alimentaire elle est intéressante, et ça moi je le dis aussi de l'intérieur du monde social et associatif. En fait on a des mondes qui ne se rencontrent pas. Donc il y a 2 ans, Territoire à vivre, nous, sur Lyon, a commencé. Et en fait, on s'est mis enfin à la table le monde agricole, le monde du social, donc le monde des mangeurs qui n'ont pas de quoi manger, en fait, de qualité, hein, clairement, et puis de quoi manger aussi parfois. Et puis le monde, en fait, de la logistique qui gère aussi les flux, sur lequel, qu'on le veuille ou non, on est tous, en fait, dans cette partie-là de système. Et donc, je vous invite à venir à la conférence de cet après-midi aussi de Montpellier, parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous sur Territoire à vivre Métropole Lyon. Mais on est en train d'expérimenter en fait aussi un dialogue entre tous ces deux mondes en mutualisant, mais on est toujours face aux gros en fait. Et les gros, c'est pas nous. Donc il est temps en fait que les citoyens aussi reprennent ce pouvoir-là, tous les citoyens en fait, sur ces questions-là alimentaires. Sur comment l'industrie peut reprendre ou détourner quelque chose, on n'est jamais en risque de rien du tout. Mais c'est aussi, là, c'est là où il y a une responsabilité politique de qu'est-ce qu'on met comme garantie. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a eu des AMAP qui ont été créés, des systèmes, de plus en plus le bio a pris de l'importance. Eh ben, qu'est-ce qu'a fait l'industrie? Ils l'ont récupéré de plus en plus. Ils l'ont pas récupéré comme on pense le faire. Je veux dire, ils vont faire venir du bio de l'autre bout du monde. C'est pas leur problème. Donc, du jour où on reprend, la décision, à mon avis, on a plus de chances de sauver la proximité. Mais en même temps, dans toute bataille, on ne sait jamais comment les choses vont avancer. Moi, j'aime bien cette phrase, c'est que l'utopie, c'est quand on pense seul. L'utopie, c'est quand on pense seul. Quand on est déjà deux, on est déjà dans une réalité. Et là, on s'aperçoit, par exemple, l'idée de la sécurité sociale alimentaire, elle est déjà, il y a des gens déjà qui essayent de la mettre en pratique. Alors, je me rappelle, je crois, si je me trompe pas, il y a Montpellier qui fait quelque chose. Il y a Montpellier qui essaye de faire quelque chose là-dessus. Ce sera le sujet de la conférence de 14h30. Voilà. Donc, où Montpellier présentera ce qu'ils mettent en place. Ce qui est intéressant, c'est tout ce que. On part dans une utopie, mais on part d'une réalité. Voilà. Et on ne part pas, on n'est pas simplement sur un rêve. Une Pas d'autres... Vas-y. Ou une petite réponse rapide. Je suis désolé, je vous ai un peu titillé sur la sécurité sociale. C'est pas la CGT, on est attaché à la sécurité sociale, c'est notre bébé. Donc il n'y a pas de souci. C'est la CGT par l'intermédiaire d'Ambroise Croizat qui crée la sécurité sociale en 45. C'est sur l'opportunité d'une branche supplémentaire de la sécurité sociale qu'effectivement il faut se poser la question. Est-ce qu'on a réellement besoin ou pas? J'en sais rien. Hein. Encore une fois, on découvre l'affaire. On n'est pas des spécialistes de l'alimentaire à la CGT. Est-ce qu'il y a réellement nécessité d'une branche supplémentaire de la sécurité sociale ou est-ce que ça doit être intégré dans les branches déjà qui existent? Et je rejoins la question qui a été posée effectivement sur la malbouffe, qui a un coût. Qui a un coût effectivement pour la sécurité sociale au sens large du terme, que ce soit la CPAM ou la MSA, sur la santé. Est-ce qu'effectivement il n'y a pas des niches à creuser, enfin à trouver là-dessus sur cette branche de la sécurité sociale? Pour revenir sur la question du politique, j'ai pas dit que le politique avait rien à faire, hein, absolument pas. J'ai dit que le politique pouvait pas tout faire, le politique pouvait pas décréter que tout d'un coup il allait pleuvoir ou arrêter de neiger. Au contraire, le politique, il a effectivement énormément de choses à faire. Il a effectivement des choses à faire en limitant les pouvoirs des grosses industries agroalimentaires, en limitant leurs marges, en rendant la nourriture accessible à la population. Là, il y a des choses à faire. Le politique, il a fait des choses et ça, effectivement, il a privé les salariés de la gouvernance de la sécurité sociale. Donc le politique aujourd'hui, il peut rendre cette gouvernance de la sécurité sociale aux salariés, aux travailleurs et aux travailleuses. Donc politique, il a des choses à faire, effectivement. Tout est politique. Voilà, moi je défends l'idée qu'effectivement, le simple fait d'aller acheter un yaourt à grands frais, à Carrefour ou chez un petit producteur, on est déjà dans un acte politique, je trouve. Donc oui, pour moi, tout est politique et le politique, il y a quelque chose à y faire. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. On va essayer de conclure. C'est pas facile de conclure l'ensemble des débats. Simplement pour dire que voilà, depuis un certain temps, cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, elle est portée. Merci à toutes celles et ceux ici présents d'avoir pu permettre de la mettre en débat, d'en discuter. Il s'agit pas du tout hein, de défendre une éventuelle récupération macroniste pour en faire autre chose qu'un projet de décision par les travailleurs, les travailleuses de reprendre en main notre système de l'alimentation et notre pouvoir, de pouvoir nous donner les moyens collectifs d'agir dessus. Donc, bien entendu, hein, c'est pas parce que des gens reprennent ce terme-là que les personnes qui sont ici le défendent. On est sur complètement autre chose. Donc, je voudrais rappeler la suite du programme et notamment des conférences de Vers de Terre. D'abord, sur ce sujet, donc on aura à 14h30 une présentation de différentes expérimentations qui sont en place, qui travaillent en ce moment. 14h. À 14h, à la fois avec donc l'intervention de Montpellier, mais également de ce qui se passe à Saint-Étienne, au sein du collectif de la Caisse sociale de l'alimentation. Et sur ce sujet, toujours, demain, Bénédicte présentera donc tout son travail autour de cette question des violences alimentaires, autour comment elle a cheminé au sein des Restos du Cœur et de son ouvrage La France qui a faim. Et vous aurez aussi donc ce soir à 15h30 l'enjeu de l'approvisionnement local et bio de la restauration collective en contexte stéphanois. Et on parle là du projet alimentaire territorial. Et demain à 14h, relocalisation et démocratie sur la restauration collective. Et à 15h30, l'élevage contre la production animale. Voilà. Bon salon à toutes et tous. Merci.